Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Ich weiß nicht, wie ein Objekt an dir macht, was ich suchen. Ich weiß nicht, wie ein Objekt an dir macht, was ich suchen. Prenez. Holt. Holt. Donnez-moi les lunettes. Gib mir de Brille. Gib mir de Brille. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Leg de crayon op d'enveloppe. Leg de crayon op d'enveloppe. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Dreht Glas an Holzscheier. Dreht Glas an Holzscheier.